Bonjour. Je viens de passer une petite pause à remettre beaucoup de choses en question. Puis, bon, il y a des choses que j'ai pas le choix. À un moment donné, il va falloir. On est amené, hein, à se positionner. On est pris par de force par l'oreille, puis on est amené à se positionner. Puis ça, il faut l'assumer. Surtout quand on n'a pas le choix, il faut au moins assumer la position qu'on nous force à prendre. En ce moment, vous pouvez le voir, il y a des institutions humaines, temporelles, séculières, qui lavent leur linge sale en public. C'est carrément ça qui se passe. Donc, bon, vous avez des agents, qu'on pourrait appeler des agents de la franc-maçonnerie, qui s'attaquent publiquement à des fondamentalistes catholiques. Puis, tu as des fondamentalistes catholiques qui attaquent des francs-maçons. Au fond, il s'agit de deux institutions temporelles, séculières, qui se battent depuis des siècles pour d'avoir de l'autorité, de l'influence au niveau de la société. Une qui a la prétention d'une autorité morale révélée, l'autre qui a la prétention de vouloir faire évoluer la société par une supériorité, entre autres, philosophique. Ces deux choses-là se font face, c'est horizontal. Et puis, ça se ressemble énormément. Ça ne cesse de se singer. Donc, ça s'appelle frères et sœurs de part et d'autre, et ainsi de suite. Il y a des déguisements de part et d'autre aussi. On est dans la forme, une guerre de la forme, parce que c'est temporel, c'est séculier. J'ai été amené, malgré moi, dans cette guerre-là. Puis, je l'ai regardé. J'ai pris le temps de prendre une pause pour essayer objectivement de le regarder, puis je me suis même remis en question là-dedans pour finalement me rendre compte que j'étais en train de me faire avoir, puis que j'étais amené malgré moi dans une guerre qui ne me concerne pas. Qui ne me concerne alors là, pas du tout. Le déclencheur de tout ça, c'est l'affaire que on m'a associé au niveau de l'image, quelque chose que j'ai fait à la magie du chaos. Alors que même si je donne pas de conseils, je dis jamais aux gens quoi faire, j'ai tout le temps été clair au niveau de mes opinions, j'ai toujours désapprouvé toute pratique rituelle liée à une pensée magique. Et c'est quelque chose duquel je n'ai jamais dérogé. Donc, par rapport à ça, d'associer quelque chose que j'ai fait à la magie du chaos, avec le recul, en le regardant bien, moi je considère que c'est de l'ordre, c'est même pas de la médisance, c'est de la calomnie. La médisance, c'est dire la vérité pour nuire à un adversaire ou quelqu'un qu'on considère comme tel. Mais la calomnie, c'est carrément de l'ordre du mensonge. D'associer quelque chose que j'ai fait à la magie du chaos, c'est de l'ordre du mensonge. C'est carrément du mensonge. D'accord? Je l'ai regardé de toutes les façons possibles, puis je reviens à cette conclusion-là. Puis c'est quoi le père du mensonge? Le même principe qui divise, qui fait de la division. Donc, ces deux institutions-là se ressemblent beaucoup et j'ai l'intention de les laisser se battre entre elles, considérant que je ne suis pas concerné. Mais alors là, pas du tout. L'affaire par rapport à la magie du chaos, la magie du chaos a été développée par un des disciples d'Aleister Crowley. Ça fait partie des mentalités néo-païennes, du néo-paganisme anglais, des pratiques magiques anglaises qui m'écœurent. Ce sont des choses dont j'ai toujours eu horreur. Totalement horreur. C'est peut-être pour ça que ça m'a tellement choqué. Ça m'a tellement choqué. La magie du chaos, bon, après Aleister Crowley, les développements que ça a eu, ça finit par faire partie du mysticisme punk. Ça fait partie du mysticisme punk. Il y en a qui vont être surpris que, bon, un mouvement comme les punks anglais ait un mysticisme. Mais ne soyez pas surpris, il y a tout le temps un mysticisme par rapport à des sous-cultures comme ça. Si vous regardez le mode de vie de ces gens-là, vous vous rendez compte qu'au fond, ça ressemble un petit peu aux cyniques de l'Antiquité, qui rejetaient la société, qui vivaient en marge. Donc les punks, quelque part, sont des ascètes, d'une forme d'ascétisme. Donc, puis c'est lié à la magie du chaos, entre autres, au niveau de leur pensée. Si on peut appeler ça de la pensée. Puis, bon, moi, j'ai rien à voir là-dedans, mais absolument pas du tout. Par après, je me suis dit, je vais faire une petite recherche pour voir s'il n'y aurait pas des gens liés au supramental qui font la promotion de la magie du chaos, parce que c'est étrange, là, qu'on associe ça à ça. Finalement, j'ai trouvé une seule chaîne, un gars qui parle un petit peu du supramental, dont le logo de la chaîne, c'est le symbole carrément de la magie du chaos. Donc, je l'ai écouté. En plus, il parle de moi, il dit que j'ai tout l'air d'être un maître, ce que je ne suis pas. Une des premières choses que j'ai dit publiquement, je n'ai jamais eu la prétention d'être un maître, mais une des premières choses que j'ai dit publiquement, c'est qu'il n'y en a pas de maître. Au niveau du réel, il ne peut pas y avoir de maître. À un moment donné, il faut se resituer au niveau de la condition humaine. L'humain doit rester à sa place. Puis, il n'y en a pas de maître en dehors de sa sphère de réalité humaine. Donc, le réel, il ne peut pas avoir de maîtrise de ça, ni avoir de maître. En tout cas, je le regardais, puis je le regardais piétiner. Quelqu'un qui n'a pas l'air d'avoir... Il y a quelque chose au niveau du système nerveux qui semble être différent de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, la norme. On a affaire à quelqu'un qui ne tient pas en place, qui piétine sur place, qui sautille, qui porte des couvre-chefs à l'intérieur, là, des tucs puis des casquettes, puis qui a l'air altéré. Il a les yeux morts. Donc là, j'espère que c'est pas parce qu'il y en a qui pensent que ça, ça a rapport avec moi, là. Il y a toutes sortes d'individus, il y a toutes sortes de, entre guillemets, de pathologies, là. Donc, on peut pas mélanger toutes à cause de petits liens comme ça. Je pense pas que ça ait de lien avec cette chaîne-là, là, qu'on m'ait associé quelque chose que j'ai fait avec la magie du chaos. Mais c'est vrai qu'il y en a qui mêlent toutes. Puis ça n'a pas rapport, tant qu'à moi, avec... vous savez, ce qu'il y a de particulier avec ce milieu-là, c'est au niveau de ce qu'on a appelé l'exercice de la parole, le supramental, c'est que c'est reconnaissable. C'est-à-dire que, bon, si vous écoutez comme Bernard de Montréal, des fois, la vibration est là. Puis c'est pareil par rapport à d'autres. Comme même Kemp, des fois, c'est assez... même si... ou Ménard, ou... Puis là, j'écoutais ce monsieur-là, je le regardais piétiner. Il ne tient pas en place, il est clairement altéré par une substance quelconque. Puis je me disais, je peux pas croire. c'est pas pire, hein? Dans le sens, c'est là devant mes yeux, puis je peux pas croire. Pourtant, c'était prévisible. C'est certain qu'il y a des choses comme ça, mais qu'on ne m'associe pas à ça. C'est comme, par exemple, la magie du chaos. Oui, ça fait partie des mouvances magiques britanniques, ce qui est probablement ce qui est le plus opposé aux antipodes de tout ce que j'ai pu dire pendant des années. Donc, de m'associer des choses que j'ai fait à la magie du chaos, c'est de l'ordre de la calomnie. Qu'il y ait une guerre entre des institutions séculaires temporelles, moi je m'en fous, ça ne me concerne pas. Mais il reste que ça m'a quand même troublé un petit peu au point où il a fallu que je remette certaines choses en question puis que je le regarde comme il faut. Là, bon, le but, ça serait sauver des âmes. Quoi, les évangélistes américains, c'est pas le but, c'est pas le même but, sauver des âmes? Ah, c'est parce qu'eux autres, ils n'ont pas une robe de beurre et une tonsure, hein? Donc, ça vaut rien. N'oubliez jamais que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Puis, c'est pas parce que votre but est louable que le chemin emprunté va nécessairement être un chemin sage. Donc, l'affaire, vous pouvez, les fondamentalistes catholiques puis les francs-maçonneux, vous pouvez vous attaquer entre vous autres, mais qu'on ne me mêle pas malgré moi à ça, parce que j'ai ni à voir ni avec un, ni avec l'autre, et je veux rien savoir ni de l'un, ni de l'autre. Donc, à un moment donné, ça va faire. Moi, les tonsures puis les robes de beurre, ça m'impressionne pas plus que les tabliers puis les petits gants. Puis, c'est pas vrai que finalement, je vais m'empêcher de parler... Parce que, justement, il y a du monde qui interprète, puis qui font n'importe quoi, qui sortent de son contexte, ce que je dis. Je ne suis pas pour commencer tout de suite à me dire, ben là, ça va être sorti de son contexte, ça va être misinterprété, puis ainsi de suite. Dans le fond, c'est une façon de faire ma gueule au monde, ça. En tout cas, il y a quelque chose là-dedans qui essaye de me faire taire. Puis ça passe par des bonnes intentions, des prétentions de sauver les âmes. Puis le mensonge, moi, c'est ça qui que on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est quoi qui veut de la division? C'est quoi la peur du mensonge? Moi, je ne vais pas faire comme les francs-maçonneux puis venir dire, ben, Satan, c'est un symbole. C'est pas du tout ma position. Puis c'est pas non plus la position officielle d'une institution séculaire comme le catholicisme apostolique romain non plus qui va être ma position. Vous pouvez vous faire la guerre tant que vous voulez. Vous êtes tout aussi ridicule d'un bord que de l'autre. Puis je me sens pas concerné. Donc, détournez-en des affaires puis sortez-les de leur contexte. T'sais, je veux dire, moi je suis associé, moi je fais partie des troupes de l'adversaire, puis je vais être mis dans le même panier que ce monde-là. Il n'en est pas question, ça marche pas. C'est calomnieux, carrément. Donc, en plus que je n'ai jamais été dans le subjectivisme psychologique, philosophique non plus, j'ai jamais été un admirateur des Lumières non plus. Au contraire, je suis quelqu'un de plutôt conservateur. Moi, je fais juste entrer dans un restaurant, puis il y a des jeunes gens là, qui sont attablés, puis ils ont des casquettes de baseball sur la tête. Je revire de bord, hein. Je suis pas capable. Peut-être moi aussi, par rapport à la forme, bon, moi aussi j'ai mes limites. Mais à un moment donné, c'est parce que c'est un petit peu... comment je pourrais dire ça? C'est indécent. Je trouve ça indécent jusqu'à un certain point. C'est un peu comme hier, j'ai vu furtivement, il y a Anne-Marie Lozic qui était à une émission. Puis quand je l'ai vue, j'ai fait le saut. On dirait qu'elle est dans un état de choc anaphylactique. On dirait qu'elle a une réaction allergique puis que la face va lui fendre. Comme un morceau de forçure au soleil. Puis je sais que cette dame-là, elle ne veut pas parler de chirurgie plastique. Donc, elle devrait peut-être éviter de paraître en public, étant donné qu'une image vaut mille mots. Nous vivons à une époque d'indécence. Nous vivons à une époque où les gens sont décomplexés, au point où ils nous fument du pot d'en face, ils prennent de l'alcool puis ils produisent des vidéos qui sont dans un état altéré des fois. Moi, je trouve ça un petit peu indécent. Puis ça fait partie des temps, ça fait partie de la mouvance actuelle. Mais il reste que je suis pas plus impressionné parce qu'un bonhomme a une robe de beurre et une tonsure. Au contraire. Au contraire. Mais il reste qu'à un moment donné, c'est de remettre les choses à leur place. Puis non, j'ai rien à voir avec des pratiques magiques. J'ai rien à voir avec la magie du chaos, mais absolument pas. Même, j'ai tout le temps, jusqu'à un certain point, évité de parler de certaines théories par rapport à la physique quantique. Pourquoi? Parce que ça risque d'aboutir à de la pensée magique. Puis que j'ai toujours considéré ça comme extrêmement dangereux. J'ai jamais fait la promotion de la magie du chaos ni d'aucune pratique magique. J'ai jamais fait la promotion d'aucune pratique rituelle de quelque façon que ce soit. Donc, c'est du mensonge d'associer quelque chose que j'ai fait à la magie du chaos, purement et simplement. C'est malhonnête, puis ça n'a pas rapport. Parce qu'en plus, c'est lié à une guerre, comme je le disais, entre des institutions séculaires et temporelles, puis je considère que ça ne me concerne pas. Donc, si vous voulez vous faire la guerre, c'est correct, là. Mais moi, je ne prendrai pas position ni d'un bord ni de l'autre, parce qu'à mes yeux, c'est du même acabit quelque part. Ça se ressemble énormément. Ça s'appelle frère et sœur de part et d'autre. Ça se déguise de part et d'autre. Ça ritualise de part et d'autre. On voit que c'est les mêmes fruits. Donc, ça peut venir d'un même arbre, peut-être. Mais bon, là, l'affaire de sauver les âmes, ça, c'est une excuse, à mes yeux, pour justifier une autorité temporelle, séculaire. C'est un petit peu comme quand vous voulez vendre un médicament, ben vous faites peur avec une maladie. Donc, c'est la même chose, là. C'est un petit peu, moi, à mes yeux, je considère que c'est un petit peu le même processus, un petit peu marketing, de vente sous pression, une doctrine en servant des angoisses, de l'anxiété du monde, de part et d'autre. C'est exactement pareil. La même affaire. C'est juste au niveau de la forme puis des positions philosophiques que ça change. C'est tout. C'est les mêmes comportements. Puis là, moi, je ne vais pas accepter qu'on me mette dans le même panier que des fondamentalistes catholiques. De la même façon que j'accepterai pas d'être mis dans le même panier que du monde qui sont dans le développement personnel puis qui sont dans des affaires de société secrète. Il n'y en est pas question. Parce que d'un côté comme de l'autre, c'est pas vrai. Puis ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Donc, si vous êtes pour dénoncer des affaires, faites-le comme il faut. Bon, fait que c'est ce que j'avais à dire. Bonne journée.